Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et c'est François Grégoire qui vous parle. Et on va aborder le sujet banal pour un 13 février, veille de la Saint-Valentin. On va parler d'amour et de chocolat. Mais on va donner à ce thème incontournable une patine scientifique avec Normand Voyer, chimiste et professeur titulaire au département de chimie à l'Université Laval. Bonjour Normand. Bonjour François. Et avec Karine Gravel, nutritionniste et docteur en nutrition en pratique privée. Bonjour Karine. Bonjour François. Alors commençons par l'amour, une émotion que chacun peut définir à sa manière, mais Normand Voyer, le chimiste, n'a pas résisté à en donner une définition au niveau moléculaire, je dirais. Ah, mais c'est pas juste moi, hein? François Grégoire est aussi chimiste, hein? Je suis sûr qu'il va comprendre ça quand même. Mais de toute façon, un peu comme tous nos sentiments, le sentiment amoureux, c'est associé à des substances chimiques spécifiques qui sont produites ou qui sont perdues dans notre corps comme ça. Donc, tomber en amour, c'est pas différent que de se donner un coup de marteau sur le doigt. C'est juste plus plaisant. C'est ça, effectivement. On sait que le sentiment amoureux va vraiment avoir, dépendamment de la phase de l'amour, ça va avoir un impact sur des substances chimiques qui sont impliquées. Mais si on parle de l'amour-passion, là, vous savez, le coup de foudre comme ça, ben on sait qu'il y a 4 substances chimiques qui vont être impliquées dans ce sentiment amoureux-là de l'amour-passion. La dopamine, la phénéthylamine sont 2 substances qui vont jouer, et particulièrement la dopamine va nous rendre paquet de nerfs. Vous savez un peu, là, puis la dopamine, c'est ce qui nous fait sourire tout le temps, on rit, puis on ne sait pas pourquoi, mais on est paquet de nerfs. Le sourire un peu niais qu'on a. La phénéthylamine, ben, c'est elle qu'on dit toujours là, qu'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche. Là, ben, la phénéthylamine, quand c'est produit dans notre cerveau, ça donne un sentiment de confort et de bien-être inégalé, pas nécessaire de manger, c'est pas grave comme ça. Okay. Et finalement, l'adrénaline va rentrer et va faire augmenter notre rythme cardiaque, notre température corporelle. Ça va aussi augmenter notre pression artérielle, ce qui fait que, si vous le savez, c'est les symptômes exacts du coup de foudre. Vous avez chaud, votre cœur bat la chamade et vous êtes rouge comme une... Tomate. Voilà, je pense qu'on s'est tous reconnus un peu là-dessus. Pensez quand vous étiez ado. Mais il y a aussi la sérotonine qui est la molécule du bonheur. Il faut en parler parce qu'elle est intimement reliée avec un sentiment amoureux ou de bien-être comme ça. Alors, ça, c'est bon. Puis finalement, l'amour durable, comme on le dit toujours, c'est pas dû à ces neurotransmetteurs-là, parce que malheureusement, je vais être obligé de le dire pour les auditeurs et les auditrices, le coup de foudre, ça ne dure pas. C'est l'amour-passion qui va prendre la relève, et au diable, les neurotransmetteurs, c'est l'ocytocine, l'hormone de l'attachement qui va prendre la relève. Et si on parle de l'amour, la Saint-Valentin, on peut pas ne pas parler de la testostérone qui n'a rien à voir avec l'amour, mais avec plutôt le désir, comme ça. Fait que donc, si je résume ça, là, un chimiste pourrait dire que l'amour, c'est un phénomène physiologique, c'est un phénomène psychologique, mais c'est un phénomène moléculaire aussi. Et ça a été beaucoup étudié dans le passé, et ça continue de faire l'objet de beaucoup de recherches scientifiques. Et c'est bien ça. Et c'est bien aussi de savoir tout ça, mais est-ce qu'on peut intervenir sur notre corps pour le mettre dans des meilleures prédispositions amoureuses? Bon, par exemple, en mangeant du chocolat qui serait, dit-on, un aphrodisiaque. Mais avant de voir si le chocolat est un aphrodisiaque, Karine Gravel, d'où provient le chocolat? Bien, le chocolat a une très longue histoire, mais si on résume, en fait, les premières personnes là, qui ont cultivé les cacaoyers, ce seraient les Mayas, donc en Amérique du Sud. Puis eux, ils préparaient un genre de breuvage qui s'apparente à un chocolat chaud, donc à base de cacao avec de l'eau chaude. Et puis, ils ajoutaient là-dedans de la cannelle et même du poivre. Puis, dans la littérature scientifique, on rapporte que ça s'appelait « food of the gods », donc la nourriture des dieux. Ouais. Puis si on regarde du côté européen, mais c'est Christophe Colomb qui a été le premier européen à découvrir le cacao. On sait que un petit peu plus tard, il y a eu des plants de cacao plantés en Espagne. Puis vers 1753, c'est un scientifique suédois du nom de Carl von Linné qui lui a nommé le plant de cacao le Théobroma cacao. Mm-hmm. Et Théobroma, ça veut dire food of the gods en latin. Mm-hmm. Et puis tant qu'à être dans l'origine des mots, le mot chocolat provient du mot aztèque Xocolatl. Donc, socog, ça veut dire amer, et atl, ça veut dire eau. Donc, on en revient toujours à cette, ce food of the gods. Décliné dans toutes les langues, c'est Effectivement, ça. Effectivement, c'est ça. Bon, là, on parle du théobroma cacao, mais est-ce qu'il y en existe pas plusieurs variétés maintenant? Oui, de chocolat. Ben, tu sais, principalement quand, évidemment, il y a une très grande variété sur le marché, mais si on a on remet ça en principal, la variété, on a le chocolat noir qui est composé principalement de fèves de cacao, de beurre de cacao. Et lui, ben, il va être plus amer là, selon le pourcentage de cacao. Puis d'ailleurs, la plupart des effets bénéfiques sur la santé là, qui sont étudiés en lien avec le chocolat sont associés à ce type là, de chocolat noir. Mm-hmm. On a le gianduja, qui est la combinaison de noisettes, cacao et sucre. On a le chocolat au lait. Lui, il va contenir aussi du cacao, mais dans un pourcentage un peu moins important. On ajoute aussi du sucre, de la poudre de lait. Son goût est plus sucré. Puis le chocolat blanc, mais qui n'est pas tout à fait du chocolat parce qu'il n'y a pas de cacao dedans, mais on l'appelle quand même comme ça. Lui, c'est du beurre de cacao, du lait, du sucre, et bien, on le sait, hein, son goût est beaucoup plus sucré. Et du cacao, passons au chocolat. Mm-hmm. Alors, de quoi est composé le chocolat et qu'est-ce qui le distingue dans sa composition nutritionnelle, à part, bien entendu, son bon goût? Oui. Donc, évidemment, l'ingrédient principal de base, c'est le cacao. Donc, le chocolat en contient là, environ 40 à 50 dépendamment là, de la variété, mais il va contenir aussi du beurre de cacao. Puis, ce qui intéresse beaucoup les scientifiques, c'est davantage les composés phytochimiques qui se retrouvent dans le chocolat. Principalement, ben, il y a trois groupes de polyphénols là, qui se retrouvent là principalement. Et d'ailleurs, le chocolat, c'est un des aliments les plus riches en polyphénols. Okay. Puis les polyphénols, bon, ils ont entre autres un rôle antioxydant. Tout à fait. Et c'est environ 10 % du poids des fèves de cacao qui contient des polyphénols. Donc, c'est extrêmement important, là. Puis, mais ça peut juste des avantages. Hein. Les polyphénols, bien, ils sont amers au goût. Donc, lors de la fabrication du chocolat, il y a une technique qui s'appelle le conchage et qui consiste à éliminer l'amertume du chocolat. Puis, ça veut dire là, qu'on va le chauffer, le brasser de façon prolongée, on va ajouter du beurre de cacao. Mais oui, ça va améliorer le goût, mais le désavantage, c'est que ça va diminuer le contenu en polyphénol jusqu'à 10 fois dans le chocolat. Donc, en bref, on s'intéresse beaucoup, oui, aux polyphénols. Ils sont présents dans le chocolat noir uniquement. Mais il faut faire attention. C'est pas parce qu'un chocolat est plus noir qu'il va être nécessairement plus riche en polyphénols, parce que ça dépend de sa technique de fabrication puis comment à quel point on a pu en préserver dedans. D'accord. Et on dirait qu'il y a beaucoup d'études sur le chocolat. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Pourquoi? Oui, bien, en fait, c'est en raison de ses effets là, physiologiques potentiels. Ici, on s'intéresse, entre autres, les études sur la fonction vasculaire, la tension artérielle. Mais, bon, il y a plein d'études là, sur le cancer, les maladies cardiovasculaires. Mm-hmm. Je ne vais pas revenir toutes là-dessus. Mais ce qui est plus nouveau, en fait, c'est les effets sur le microbiote intestinal. Oui. Donc, ce qui a été découvert, c'est évidemment toujours des études là, quand même assez récentes. Puis, les micro-organismes de notre intestin seraient capables de métaboliser eux, les polyphénols, puis les transformer en d'autres composés qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Donc, c'est ça qui est à l'étude présentement qui est peut-être plus intéressant, je dirais, plus nouveau. Et puis, ben, on parle aussi de peut-être un mécanisme aphrodisiaque. On s'intéresse à ça dans les études, mais là, on a la chance d'avoir Normand Voyer pour nous en parler. Donc, je vais laisser cet aspect-là à notre chimiste. Oui, comme bon chimiste, je suis en train de faire des études ici même dans le studio. Je viens de manger du chocolat noir et j'en ai apporté. Okay. On va pouvoir faire un test là, comme ça. Là. Mais Normand, voyez, je vais vous poser la question qui tue. Là. Est-ce que c'est vrai que le chocolat a des propriétés aphrodisiaques? Ouais. En fait, il y a beaucoup de spéculations à ce sujet-là. Ma réponse serait oui et non. Oui, comme ça là-dessus. Parce qu'évidemment, comme on sait, on peut trouver des études qui vont de tous les côtés comme ça. C'est la réalité, c'est que le chocolat noir, c'est vrai, c'est un aliment, Karine vient de le mentionner, qui est riche en toutes sortes de substances naturelles. Mais on parle beaucoup des polyphénols, mais c'est aussi un des aliments qui est le plus riche en amines biogéniques. Okay. Et les amines biogéniques, comme la sérotonine, la phénéthylamine, ben, c'est étroitement relié avec les neurotransmetteurs qui sont impliqués dans le coup de foudre et dans l'amour, comme ça. Alors, donc, le mythe, malheureusement, c'est que la sérotonine qui se retrouve dans le chocolat noir, ou un peu dans le chocolat au lait aussi, malheureusement, qu'on pense que ça va nous prédisposer à l'amour. C'est faux parce que ça a été démontré que la sérotonine dans le chocolat ne réussit pas à se rendre à notre cerveau, qui est protégé par une barrière très, très importante qui s'appelle la barrière hémato-encéphalique, où il y a deux, trois noms qu'on donne à ça. Fait que cette membrane-là, elle nous protège. Donc, comment que vous mangez du chocolat noir, la sérotonine n'augmentera pas dans votre cerveau. Par contre, la réalité, c'est que la phénéthylamine, elle, qu'on retrouve dans le chocolat, elle va se retrouver dans notre cerveau parce qu'elle, elle a la capacité de traverser cette membrane-là. Okay. Et ça donne donc un petit coup de foudre. Bémol ici, l'histoire dit pas combien il faut en manger pour avoir un vrai coup de foudre. Okay? D'après moi, il faut en manger tellement que les effets secondaires, là, je vous fais les rentrer les lignes, là, ça gâcherait la plus spéciale des soirées de Saint-Valentin. Fait que c'est peut-être pas une bonne idée d'essayer d'obtenir un coup de foudre. Il y a peut-être d'autres façons plus romantiques de faire une soirée que de bouffer du chocolat noir. Ah, j'ai oublié de vous dire quelque chose, par exemple, qui est très important. Je viens de réaliser qu'il y a une étude fantastique que j'ai épluchée de l'Université Purdue en 2015. Dans cette étude-là, qui a été publiée dans Journal of Social and Personal Relationships, on montrait que pour établir une relation amoureuse stable, vaut mieux manger quelque chose de sucré. OK. Vous saviez pas ça, hein? Parce que savez-vous qu'en anglais, on utilise souvent des termes comme honey, oui, sweetie, you're so sweet. Mm-hmm. On associe le goût sucré à l'amour comme c'est ça. Ben, c'est plus qu'une métaphore, car dans l'article qui est intitulé Sweet Love, deux petits points, The Effect of Sweet Taste Experience on Romantic Perception, écoutez, ces chercheurs-là ont montré que le goût sucré était associé à des régions du cerveau qui sont liées au romantisme. Et dans cette étude-là, 155 participants, presque autant hommes-femmes, ont été placés dans des cubicules isolés et aléatoirement, on leur a donné une collation. Cette collation-là, ils pouvaient la manger tout en remplissant un questionnaire standardisé, je ne savais pas que ça existait, un questionnaire validé qui s'appelle le Perceived Relationship Quality Component Inventory, qui est un questionnaire qui permet de savoir le sentiment amoureux, hypothétique ou actuel. Et les participants devaient consommer lentement, écoutez ça, des biscuits Oreo. Ça, c'était la collation sucrée ou des croustilles sel et vinaigre pour ce qu'on appelle le contrôle comme ça. Et le nombre de calories était tout compté là-dessus. Les résultats sont sans équivoque. Écoutez ça. Ceux qui ont consommé une collation sucrée avaient une perception plus favorable et plus positive envers une relation amoureuse stable. Puis ceux qui avaient mangé la collation salée n'avaient aucune différence. Fait que les auteurs... Les autres, ils disent qu'il y a des changements subtils dans nos goûts, dans nos perceptions, qui font que le comportement relationnel des gens peut être influencé. C'est surtout vrai dans le cas d'une nouvelle relation, c'était bien mentionné. Et donc, si vous avez une première date demain, là, pour la Saint-Valentin, ben, je vous conseille d'y aller plutôt pour le chocolat plutôt que les chips au vinaigre. Puis il y a certains magazines féminins aussi. Allô les clichés, là, les magazines féminins, c'est vraiment mentionné dans l'étude scientifique. Là. En fait, ces magazines féminins reprennent les résultats des études scientifiques d'une drôle de manière. Et il y a des chercheurs qui se sont penchés sur la question. Donc ça, c'est une étude italienne vraiment intéressante, publiée dans Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Bon, c'est en 2009, ça date un petit peu, mais c'est très intéressant. Alors, ces magazines-là, féminins, ils intitulent leur article sur le chocolat, ben là, j'ai traduit de l'anglais, là, mais comme par exemple, ils vont mettre des titres comme « addictif ». Pourquoi « assez n'est jamais assez ». La chimie de la culpabilité. On a aussi le chocolat est meilleur que l'amour. Et pourquoi le chocolat est la saveur du mois des femmes. Donc, évidemment, ici, c'est du sensationnalisme. Hein? Ça entretient certains mythes. Alors, on voit qu'évidemment, avec ces titres-là, on préfère attirer l'attention plutôt que d'informer d'après la science. Et comment on peut expliquer là, notre préférence pour le chocolat? Évidemment, il y a un bon goût sucré, une texture crémeuse, mais on a aussi une molécule dont Normand nous a parlé tout à l'heure, la phénéthylamine, qui pourrait être sécrétée suite à sa consommation. Et là, les magazines féminins, eux, ils appellent comment cette molécule-là? Ils disent la drogue de l'amour et même que c'est un substitut sexuel. Normand, est-ce que c'est vrai? Non? Non, là, ça se peut pas, ça. Là. Il faudrait remontrer les structures. Ça n'a rien à voir avec la testostérone. Là, bon. Puis, le chocolat aussi, il est l'aliment là, qui est souvent le plus consommé dans beaucoup d'études et où on va rapporter, par exemple, des épisodes de perte de contrôle alimentaire ou des rages alimentaires. Et comment on peut l'expliquer? Ben, évidemment, dans notre société, on a la pression d'être mince. Uh-huh. Le chocolat est perçu comme un aliment pas perçu, mais il est quand même dense en calories, en énergie. Puis, il est perçu non essentiel. On l'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il n'est pas essentiel à notre survie. Puis, il est facilement étiqueté comme interdit. Donc, un aliment interdit devient automatiquement attirant. Uh-huh. Donc, voilà. Mais ça, c'est dans les magazines féminins. Donc, comme pour tous les aliments qui sont consommés avec modération, là, le chocolat, c'est loin d'être dangereux. Et Normand Voyer, quel serait... Mais c'est bon quand même. C'est vraiment... Oui, tout à fait. Oui, ça, c'est du marketing, effectivement. Oui, c'est bon. Et Normand Voyer, quel serait votre meilleur conseil scientifique pour la Saint-Valentin? Mm. Je suis allé dans la littérature, j'ai recherché beaucoup, puis je vous dirais, mon meilleur conseil, achetez des roses, OK? On sait que le chocolat, outre le chocolat, là, les roses, ça constitue le symbole par excellence de l'amour, puis la Saint-Valentin, il y en a beaucoup, mais c'est probablement pour de très bonnes raisons moléculaires. OK. Lesquelles? Car les auteurs, on sait que ça nous influence, ça a un impact sur nos comportements, mais ça a un comportement sur nos sentiments amoureux aussi. Puis ça a été démontré, l'odeur de rose est constituée de nombreuses substances. Il y a une centaine de substances aromatiques qui forment l'odeur de la rose, mais particulièrement deux substances les plus prévalentes, la damascénone et l'oxyde de rose. Et j'ai trouvé une étude fantastique parce qu'on sait que l'odeur de rose a un impact significatif sur la chimie du cerveau. Écoutez ça. Dans le Journal of Sensory Studies, publié en décembre 2019. Ça vient juste d'arriver, là. Donc, c'est un scoop là, pour les auditeurs comme ça. Ça a confirmé ce qu'on savait intuitivement depuis des lunes, que l'odeur des roses active la dopamine dans les zones associées au plaisir et à la récompense. Oh. Ce qui fait que ça produirait un sentiment de confort et de bien-être inégalé. Et les auteurs ont conclu qu'une retombée concrète de leurs travaux, ça c'est vraiment intéressant, c'est qu'on pourrait utiliser l'odeur de rose dans différentes préparations cosmétiques et cosmétiques. Imaginez, comme si on ne savait pas ça d'avance. Mais... Donc, messieurs ou mesdames, si vous voulez un beau cadeau pour la Saint-Valentin, lâchez la lavande et optez pour la damascénone et l'oxyde de rose. Vous allez avoir plus de succès. Alors, c'est bien enregistré. Et toi, Karine, quel serait ton meilleur conseil? Bon, moi, je reviens au chocolat. Mais j'aime beaucoup les roses aussi. C'est vrai que ça sent bon. Donc, moi, mon meilleur conseil, ce serait de faire l'expérience du chocolat. Et je vous rapporte brièvement les résultats d'une étude américaine. C'est des chercheurs de la Pennsylvanie. C'est une de mes études préférées. Moi, j'ai mon top 3. Je vais faire l'expérience. 3. Oui, oui. Fais pas trop de bruit. Donc, le titre de l'étude, moi, c'est « The Sweet Life, The Effect of Mindful Chocolate Consumption on Mood ». Ça a été publié dans Appetite en 2017. Pour vous mettre un petit peu en contexte, on rapporte une certaine ambivalence envers le chocolat. Donc, le chocolat, c'est un aliment qui monte souvent sur le podium des aliments préférés. On pense à son goût délicieux, la douceur de ses ingrédients, la richesse de ses arômes. Puis on peut aussi l'associer à des bons souvenirs, des souvenirs d'enfance. Puis on le déguste souvent lors de situations agréables. Donc ça, c'est la partie positive. Par contre... Le chocolat, c'est aussi l'aliment numéro un qui est reconnu pour être impliqué, comme je le disais tantôt, dans des situations de perte de contrôle alimentaire et aussi pour faire ressentir de la culpabilité. Donc, ce que les chercheurs ont fait, ils ont évalué les effets de la dégustation de chocolat en pleine conscience sur l'humeur. Et quand on parle de dégustation pleine conscience, ça veut dire que toute notre attention est portée sur la dégustation. Là. On répond pas à des courriels en même temps qu'on mange du chocolat ou on n'écoute pas la télé. Là. Okay. On fait juste ça. Donc, eux, ils avaient 258 participants, 4 conditions expérimentales possibles. Je vous résume ça. Donc, on avait 2 types d'aliments, évidemment le chocolat, mais on avait aussi un groupe témoin, le groupe craquelin. Puis, on avait... Oh, mais là, c'est pas correct, ça. C'est bien trop plate. C'est plate. Là, moi aussi, oui. J'aurais aimé mieux être dans le chocolat. Puis, on avait deux types d'indications. Donc, on donnait des indications de dégustation. Donc, soit de déguster en pleine conscience ou non. Si on n'était pas dans le groupe pleine conscience, on nous disait seulement de manger le chocolat ou de manger le craquelé. Et parmi les quatre conditions, donc chocolat pleine conscience, pas pleine conscience, craquelin pleine conscience ou craquelin pas pleine conscience, lequel de ces quatre groupes-là a eu l'humeur la plus positive d'après vous? La plus positive? Ah, c'est sûrement pleine conscience de craquelin pas bon. Ben non, non, c'est la mauvaise réponse. François, est-ce que tu tentes quelque chose? Non, je pourrais pas dire. Bon, je vais vous le dire. Alors, c'est le groupe chocolat pleine conscience qui a eu l'humeur la plus positive et l'effet était plus marqué encore chez les amateurs de chocolat. Comme si moi, j'avais été dans ce groupe-là, là, j'aurais scoré. Non, mais on blaguait à nous aussi, là, quand même. Donc, en conclusion, le chocolat, il semble favoriser une humeur positive quand on le déguste et particulièrement quand on le déguste en pleine conscience. Et quelles étaient les quelles indications avaient été données aux participants qui devaient déguster le chocolat en pleine conscience? Pleine conscience? Oui, ben en fait, il y a plusieurs types de dégustation. Hein. Des fois, c'est des genres de dégustation dirigée. Et ça, ça durait là, dans l'étude, là, 4 à 5 minutes à peu près. Moi, je vais vous résumer tout ça. Donc, évidemment, quand on arrive pour déguster, on se concentre sur notre dégustation. Souvent, on va dire de prendre de grandes respirations, de bien se détendre. Et dans cette étude-là, ce qu'on nous disait, c'est de prendre le morceau de chocolat, oui, avec notre main, mais de s'imaginer que c'était la première fois de notre vie qu'on en voyait du chocolat. Puis là, ben, on utilise nos cinq sens. On commence par le regarder. Sa brillance, sa texture, ses asymétries, ses caractéristiques. Et puis ensuite, on fermait les yeux pour explorer, mieux explorer la texture du chocolat, mais avec notre main. Vraiment, avant de le mettre dans la bouche, là, c'est long. Là. On nous dit même de penser aux personnes qui ont cultivé les ingrédients du chocolat, les personnes qui l'ont fabriqué, celles qui l'ont livré dans le monde entier. Ensuite, on va humer le chocolat, on va utiliser notre nez, puis on va remarquer les réactions que ça fait dans notre bouche. Alors, je sais pas si Normand est en train de saliver. Là. Oui, ça marche. Il y a une relation sensuelle avec le chocolat. Après ça, Normand, tu peux le déposer près de tes lèvres. Regardez comment ton bras et ta main savent exactement où se placer. Puis, après, tu peux le déposer dans ta bouche, mais sans le mastiquer. Donc, prends une bouchée. Puis ensuite, c'est de le déposer, de le laisser dans la bouche, de le laisser fondre. On peut le mastiquer une fois, mais s'arrêter là, puis vraiment se laisser envahir par les arômes. Et vraiment, avant de l'avaler, on note encore une fois les sensations, la saveur, la texture, puis voir comment ça évolue au fil du temps. Et lorsqu'on est prêt, ben, on peut avaler le chocolat, puis essayer de ressentir son déplacement là, dans notre œsophage, et puis là, il se dirige dans notre estomac, puis on perd le fil finalement. Puis, on peut à ce moment-là prendre une autre petite portion pour refaire l'expérience de la même façon. Mais ce qu'on se rend compte, souvent, en dégustant de cette façon-là, c'est qu'une petite portion, c'est parfois suffisant pour ressentir des effets positifs sur l'humeur, entre autres. Puis il y a même une citation que moi j'aime beaucoup, une citation d'Épicure qui dit « Le sage ne choisit nullement la nourriture la plus abondante, mais la plus agréable. » Et ça veut dire que le plaisir est dans la qualité et non dans la quantité. Donc, vraiment de choisir un chocolat qu'on aime. Alors, ce qu'on retient de tout ça, la prochaine fois qu'on va avoir envie de manger du chocolat, donc c'est de tenter de préciser celui-là qui va être le plus satisfaisant pour nous. Hein, on a tous des préférences alimentaires. Puis prendre le temps de le déguster avec toute notre attention afin de vivre la meilleure expérience possible. J'avoue, je viens de tester et je confirme, mais là, je vais répéter l'expérience en triplicata pour m'assurer que c'est vraiment vrai. Oui, c'est vrai. Il faut que ça soit reproductible. Hein? Effectivement. Alors, c'est une très belle expérience à faire et c'est une manière de faire durer le plaisir, je dirais. Merci beaucoup, Karine Gravel et Normand Voyer. C'est toujours un plaisir de vous recevoir à Futur Simple. Alors, je rappelle que Normand Voyer est chimiste et professeur titulaire au département de chimie à l'Université Laval et que Karine Gravel est nutritionniste et docteur en nutrition en pratique privée. Merci. Merci beaucoup.